una vegada més, i a casa nostra comença Hola la Music. El programa de música en francès que us porta Rafael Corbí. Gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos amb aquesta nova edició del nostre espai. Encetem el programa de Hola la Music número 59. És la música en francès que ens acompanya durant aquests minuts i avui començarem a escoltar música d'una formació belga excepcional, famosa també per les seves cançons en anglès, un estil habitual amb un jazz suau, fundat aquesta formació el 1986 per Danny Klein, Dirk Schaufs i Willy Lambrecht. Aquest darrer va ser substituït posteriorment per Jean-Michel Jeanneng. Es tracta de la formació Vaya con Dios, que avui ens acompanyarà al principi amb algunes cançons des del 2009. Souvent je pense encore à vous. Je crois qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui, dans vos errances des interdits qui vous démembrent mes délits. Souvent je pense encore à vous, j'imagine que de vivre vous avez perdu le goût, que le manque de nous vous déchire, notre ombre vous suit partout. Dans vos silences j'entends des cris, dans vos absences je sens l'ennui, dans vos errances des interdits qui vous démembrent et nous délient. Les voiliers sauvages de nos vies, qu'en faisons-nous? Nos enfants se piétinaient, du temps qui se languit de nous. Dans vos silences, j'entends des cris, dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances des interdits qui vous démembrent et nous délient. Des voiliers sauvages de nos vies, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Des voiliers sauvages de nos vies, qu'en faisons-nous? Nos enfants se piétinaient, du temps qui se languit de nous. Cançons cançons en francès d'aquesta excel·lent formació belga, una de les bandes belgues més triomfadores a nivell internacional que hagin existit amb els anys i que ens ha portat avui doncs, bona música a través del nostre programa. Una formació, un grup belga constituït el 1986, al capdavant la Dani Klein, com ja la hem conegut, l'Albert Adelta, ex-cantant també de Ladies, Sings the Blues o de Purple Rose, també sent dues formacions que també van portar amb un projecte paral·lel quan va decidir retirar-se el 1996 del món de la música. Des del 1991, però aquell era la protagonista en solitari d'aquesta formació entre el jazz i el pop, i que és coneguda sobretot per aquelles cançons com el Na Nena o també aquell What's a Woman the Man, es deia, una cançó, un gran èxit del 1990. Però nosaltres ens perdem amb el que per mi crec que va ser el seu únic àlbum editat en llengua francesa, el 2009, Comme on est venu, es deia aquest en disc, i que avui escoltarem les diferents cançons que van sortir com a senzill d'aquell àlbum per començar el nostre espai. Hola, La Music, amb Vaya con Dios i Rafael Corbí. Són les cançons d'aquest àlbum del 2009 d'aquesta formació belga. Gardez vos homélies, vos psaumes, vos liturgies, vos aves, vos hosties, vos je vous salue Marie, vos rabbins, vos imams, vos barbes et vos soutanes, vos appels à la guerre, déguisés en prière, votre enfer et ses flammes, votre opinion des femmes, qui devraient se voiler la face parce que leurs mecs tiennent pas en place. Qui se font traiter de putes par ceux-là même qui les culbutent. Votre obsession de l'impur, y'a qu'une seule chose dont on soit sûr. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, gardez vos hypocrisies, votre homophobie, vos chemins de croix, vos mitres et vos kippas, vos versets, vos adages, vos pèlerinages, vos vierges et vos martyrs, vos visions, vos délires. Gardez vos lamentations, vos prêches et vos sermons, vos saintetés séniles, vos prêtres pédophiles. Vos reliques, vos processions, vos sacrifices, vos excisions, vos anges et vos dorures, y'a qu'une seule chose dont on soit sûr. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, comme on est venu, on repartira. Pour moi ne dites pas de messe, le ciel et ses promesses ne me concernent pas, l'enfer est ici-bas. Gardez vos prophéties, sinistres litanies, votre prosélytisme, vos schismes, vos catéchismes. Gardez vos apostolats, vos califes et vos mollahs, vos cierges, vos menorahs, vos professions de foi. Opus déiste, djihadiste, baptiste, messianiste, gardez vos impostures, y'a qu'une seule chose dont on soit sûr. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, partira. Come on, partira. repartira. Matelots, naufragés, des rivages, prêts à narguer les flots des océans sauvages. À 20 ans, le cœur gonflé de rage, il serait capitaine, moi son équipage. Jamais notre bateau ne prendrait l'eau, ne prendrait l'eau jamais. Ni les lames, ni même les vagues à l'âme, ni les grandes marées ne nous feraient chavirer jamais. Mais l'alcool de la route du Rhum n'a pu calmer sa soif, c'est qui fait l'homme. Soif de gloire, d'orgueil sous la tempête, de fille dans chaque port, soif d'imbécile quête. Jamais notre bateau ne prendrait l'eau, ne prendrait l'eau jamais. Ni les larmes, ni même les vagues, ni les grandes marées ne nous feraient chavirer jamais. Puis un jour, il prit des vents contraires et s'en alla finir sa course en solitaire. Il partit vers des brouillards lointains, j'en garde dans le cœur des larmes comme des embruns. Jamais notre bateau ne prendrait l'eau, ne prendrait l'eau jamais. Ni les larmes, ni même les vagues, ni les grandes marées ne nous feraient chavirer jamais, jamais. Notre bateau ne prendrait l'eau, ne prendrait l'eau jamais. Ni les larmes, ni même les vagues, ni les grandes marées ne nous feraient chavirer jamais. Del nostre espai amb aquesta formació Vaya con Dios, dels quals hem escoltat els tres senzills que van ser destacats com a cançons extretes d'aquest àlbum publicat el 2009 d'aquest disc en francès. La primera d'elles va ser l'única que va entrar a les llistes belgues, el número 12. Escoltem una altra cançó que m'encanta de l'àlbum, també amb la col·laboració de Philippe Catherine. És una cançó esplèndida de Vaya con Dios que porta el nom de la Vie, C'est pas du gâteau. Escoltem aquesta cançó per posar el punt final amb aquest record que hem tingut a la formació belga Vaya con Dios. Thank you. vie, c'est vrai, c'est pas du gâteau. Tu n'as pas tort. On croit qu'on sait qu'on va tout changer. On fonce dans le décor. On recommence, on recule, on avance et au bout, y a la mort. On chante, on danse, on se trompe de cadence. Faudra répéter encore. Prendre le temps, prendre la clé des champs. Faire un tour dehors. Laisser penser les gens. Y en a trop, y en a tant. Être plus fort. L'amour c'est beau, mais c'est pas un cadeau. Ça demande un petit effort. On tente sa chance entre les ambulances, les coups du sort. Quoi qu'on en pense, on se berce d'espérance. De corps en corps, de mots doux en silence, l'indifférence, le désaccord. Prendre le temps, prendre la clé des champs. Faire un tour dehors. Laisser parler les gens, et y en a trop, y en a tant. Être plus fort. Ça nous dévore. On stresse, on trime, on vit comme des machines, des chercheurs d'or. Et faut que ça brille, que ça en jette, que ça pétille, que ça soit confort. Une bagnole, une télé, une cuisine équipée, un labrador. Com Dios ens ha acompanyat, aneu amb Déu, ens deien a nosaltres. Espero que us hagi agradat aquesta música i espero que també us agradi la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, que ara mateix ens portarà la seva recomanació per al programa d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Hola, què tal, Rafael? Salutacions cordials. Avui us recomano una cançó romàntica dedicada a tots els enamorats que ens escolten. Porta per títol UGV i l'interpreta Patrick Fiori, un artista nascut al 1969 a Marsella. L'any 1993 va representar França al Festival d'Eurovisió amb la cançó Mamà Corsica, que prometem un dia escoltar-la. Avui, però, ens quedem amb UGV, que segur que us agrada. Aquí la teniu. Oui, je peux encore te serrer très fort, effacer les doutes qui tournent autour de toi. Si tu veux m'aider, laisse tout tomber. Laisse-toi glisser et compte jusqu'à trois. Allez, je t'emmène, je vis loin des villes et des routes. Tu trouveras sans doute ce qui te ressemblera. On fera, c'est promis, le meilleur sans doute. On finira nos nuits, nos lendemains, toi contre moi. Ton corps, en perdre le nord. Mon éternité, je la garde pour toi.

L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Segueixes escoltant les cançons d'aquesta joveníssima, interessantíssima artista que ens acompanya des de Bèlgica, l'Àngel. Ja us hem explicat alguna cosa d'ella, d'aquesta cantant que ens ha portat en diversos intèrprets per la seva música, les seves companyies. Ens portava a través del seu compte d'Instagram, va ser on també es va començar a fer molt famosa. Durant l'any 2017 també va col·laborar el cantant amb el rapper belga Dan So, que el va acompanyar amb el seu àlbum Lithophedion, així més o menys es deia. El seu primer senzill va ser la cançó que hem escoltat, una de les que hem escoltat, La llei de Murphy, que va sortir al final del 2017 i va tenir moltes visites, milions de visites a través de YouTube. Després del 2018 va anar sortint a poc diversos dels senzills que ens han acompanyat. Va donar el seu gran primer concert important al maig del 2018 al Trianon de París, acompanyat de MC Solar, amb grans cançons com hem pogut veure a través d'aquest espai. Estem escoltant les peces que ens va presentar, algunes l'agost del 2018. L'àlbum va sortir el 5 d'octubre, com us hem comentat, i fins al moment porta aquests 5 senzills, que són les cançons que avui repassem. Entre elles, la més famosa, la primera, La llei de Murphy, aquest número 5, però també Tot el dia, que va ser un número 7 durant aquest any 2018. Escoltem, Jolís, una altra de les cançons de l'Àngel, en aquest cas, aquesta número 12 a les llistes belgues. Jalousie, jalousie. Nuance avec parano. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle, te veux-je.

és el que més ens agrada a nosaltres, perquè si no seria molt monòton tot, i l'acció d'una sola persona, i el que ens agrada a través del nostre programa de Olala Music, que és col·laborar amb la gent i que els nostres oients ens facin arribar, com així ho fan les seves propostes musicals, col·laborant-hi d'aquesta manera. I també els que tenim aquí en directe amb el nostre programa, siguin l'Àngel, siguin en Cyril, o sigui el nostre bon amic Hamid, a qui donem la benvinguda una vegada més per acompanyar-nos en aquest Espanya. Benvingut, Hamid. Bonjour, Rafa. Com ça va? Ça va très bien. Musique? La musique commence avec une chanteuse de Guadeloupe, mais elle est française bien sûr, Joëlle Ursel, qui chante un thème de Serge Gainsbourg. On peut dire c'est un protest song, c'est White and Black Blues. Aquesta és la música que ens aportava entre nosaltres en Hamid. Una vegada més ens ha acompanyat a través de Olala Music. Merci, Hamid. White and Black, Ursel, Joël Ursel. Une chanson de, il faut rappeler quand même, c'est Serge Gainsbourg qui a écrit la chanson. C'est contre le racisme, bien entendu. Doncs seguim amb la música a través d'Olala Music i en Hamid tornarà la propera setmana amb una altra proposta musical. I fins al final del programa d'Olala Music aquesta setmana, el protagonista serà Michel Berger, un altre dels grans entre la música francesa, mort massa aviat, recordem que va néixer el 28 de novembre del 47 i que va morir a l'edat de 44 anys, el 1992. Des del 2002, amb un recopilatori publicat per Warner, avui escoltem alguna de les seves millors cançons. Seràs-tu là? Nos souvenirs et nos amours inoubliable, inconsolable, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui. Hamburger, nascut en dos pares jueus, novembre del 1947. Annette Haas, la seva mare, era pianista de concert d'origen suís jueu. 44 anys, com va morir. Un personatge que durant dues dècades va ser un dels més grans compositors i cantants de l'escena musical de la música pop francesa, amb composicions per artistes com François Hardy, per Johnny Hallyday i també la seva pròpia dona, la France Gall. Va morir molt, massa aviat. Avui anirem recordant alguna de les cançons que ens havia portat al llarg dels anys i que van ser de les millors cançons de la seva discografia. Aquest serà Artula, que acabem d'escoltar. Quelqu'un molt d'amour serà també una de les que escoltarem a continuació, o per anar tancant ja el nostre programa, la darrera que us oferirem, que us presentarem d'aquí uns moments. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal, je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours